Audiomatique. C'est avec la collaboration entre PJ Harvey et John Parrish que débutait cette transmission 315 d'Audiomatique. De leur album A Woman, A Man Walked By, nous entendions en introduction la chanson Pig Will Not, inspirée par le poème Le Rebelle du poète français Charles Baudelaire. Les sonoristes n'acceptent pas les clivages musicaux. Ils valorisent plutôt la diversité sonore et c'est pourquoi ils choisissent de présenter des compositions musicales non genrées. Thank you. Thank you.

audiomatique, cette séquence musicale se terminait sur la musique du projet Showballader One de l'artiste Thomas Jenkinson, mieux connu pour être l'âme derrière son autre projet plus populaire, Square Pusher. Avec Showballader One, il nous présente une musique à la croisée entre la pop, le jazz et le funk, avec un esprit années 80, ce qui s'incarnait d'ailleurs dans la pièce Cryptic Motion apparaissant sur l'album Demonstrator qui est paru en 2010. Avant cela, nous entendions le duo Antelopeur formé de la trompettiste Jamie Branch et du batteur Jason Nazary qui nous offrait la pièce Radar Radio tirée de leur tout nouvel album intitulé Tour Beats Volume 1. Il est toujours actif depuis sa création en 1980 des cendres de la formation Joy Division. Voici à Audiomatic le groupe New Order. We'll be right back. soul. The question is not when he's gonna stop, but who is gonna stop him. Thank you. Wilson. Luke Wilson. Cut it off. Thank you. Nous entendions à Audiomatic le duo britannique de Chemical Brothers et la pièce Burst Generator, extraite de son 6e album studio We Are the Night, paru en 2007. Précédemment à The Chemical Brothers, il s'agissait du groupe écossais Primal Scream et la chanson Kowalski, qui est en fait le premier single extrait de son 5e album Vanishing Point, lancé en 1997. Le titre de l'album vient du film américain Vanishing Point, réalisé par Richard Casper Sarafian en 1971 et dont le personnage principal s'appelait, je vous le donne en mille, Kowalski. Et pour débuter, New Order nous interprétait la chanson Primitive Notion de leur 7e album Get Ready, sorti en 2001. Get Ready est le dernier album de New Order avec sa formation originale, soit avec Gillian Gilbert, Peter Hook, Stephen Morris et bien sûr Bernard Sumner. En septembre dernier, New Order a fait paraître une nouvelle chanson, Be a Rebel, mais aucun album n'est prévu dans un horizon rapproché. Audiomatic se poursuit sur la musique du projet montréalais Doldrums. Let me go. Cette séquence à Audiomatique se terminait sur la musique de l'artiste Sarah Knox et sa pièce, fortement inspirée d'ailleurs par Anne Clark, pièce qui se nomme Pre-Processing, apparaissant sur l'album Intoxication, paru en 2009. Avant Sarah Knox, on écoutait la formation X-Marks de Pedwalk et la pièce Let Me Go de son récent album Transformation, sorti un peu plus tôt en 2020. Et on amorçait la séquence avec la musique de Dull Drums, une formation montréalaise originellement composée de Sarah Browning et Eric Woodhead, qui nous ont livré en 2013 un premier album duquel nous avons d'ailleurs entendu la pièce-titre Lesser Evil. À la suite de la publication du deuxième album The Air Conditioned Nightmare en 2015, Dull Drums est devenu le projet solo d'Eric Woodhead. Pour clore cette transmission 315 d'Audiomatique, nous vous présenterons le défunt groupe brooklynois The Pains of Being Pure at Heart, de qui nous entendrons la chanson Gentle Sons, de leur premier album homonyme paru en 2009. La transmission 316 d'Audiomatique sera diffusée en direct du studio de C'est fou 89.1 FM mercredi prochain dès 17h et se retrouvera dans les jours suivants pour une écoute en différé sur nos profils facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc The Pains of Being Pure at Heart et la chanson Gentle Sons. C'était Audiomatique avec les sonoristes.